Boum Boum Mo. Boum Boum Mo. Musique française. Des années 60 à 80. Musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM et www.prune.net. Ce soir, on est hyper content de recevoir Sophie aka Bloody L, DJ résidente chez nos copains d'Abstract. Bloody L qu'on a déjà entendu dans l'émission, c'est son troisième passage je crois à l'antenne de Prune. Bloody L qu'on a surtout déjà vu dans nos soirées, c'était notre dernière invitée en février 2020, à l'époque où on pouvait encore faire la fête. Perso, je suis très très fan de sa sensibilité, de ses mix à Bloody L. Je suis rarement déçu par ce qu'elle fait. Et pour cette nouvelle Boum Boum Mo qu'elle nous a préparée, de nouveau, banco, on part sur une magnifique balade, un mix très doux, aux accents baléariques. C'est notre 194e podcast. On est ravis de l'avoir confié à l'incroyable Bloody L. C'est parti. Thank you.

We'll be right back. Passeuse de frontières, conteuse de zones abandonnées, traductrice des joies, des peurs, des conseils des anciens, bâtarde, fragile, invisible, viens, viens là. You are. 8 milliards sur la Terre d'êtres humains sédentaires. Adieu le quaternaire, car nous entrons dans l'ère des effets secondaires. Internet, c'est bien, mais si l'on doit choisir, je préfère une Internet. homogène de couleur. J'ai bien reçu ta lettre. Merci beaucoup. repose toujours et prends le soleil. Il fait très chaud. Je me demande avec qui je partirai sur une île déserte. Le jour, je me rappelle de ta chambre. La nuit, je nage dans le lagon noir. Aujourd'hui, un avion est passé près de l'île. Mais mon esprit était ailleurs. Si jamais tu reçois cette lettre, sache que je pense à toi. Tendrement de l'océan Pacifique. Au revoir. le temps.